L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Aujourd'hui, nous allons faire le portrait d'une association sportive direction Lunéville avec le club de basket de Lunéville. Alexandre Bush, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de cette association sportive? Oui, c'est ça. Depuis combien de temps? J'attaque ma deuxième année cette année en tant que président de club. Pour nous faire un peu le portrait de ce club aujourd'hui en 2018, quel est-il? Depuis 2 ans, je voulais reprendre la présidence vis-à-vis de mon père qui était président avant, donc j'ai pris son rôle pour redonner un peu de dynamisme, de jeunesse et faire le sport basket, non pas une compétition totalement, mais plutôt familiale, conviviale. D'accord, donc on voit il y a une volonté, une orientation plus vers un basket loisir aujourd'hui. Tout en restant compétitif aussi. Mais en gardant bien sûr une partie compétitive. Voilà. Aujourd'hui, il y a combien d'adhérents au sein du club? On est 100 de licenciés. On est en début d'année scolaire. Voilà. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient rechercher une activité, eh bien, je pense qu'il y a de la place. Il y a de la place. On comparé à d'autres clubs, nous prenons pendant toute l'année, tout licencié, tout joueur. Pendant toute l'année, ils peuvent venir prendre une licence. On n'arrête pas au mois d'octobre ou novembre, décembre, on prend toute l'année. Alors comment on fait pour justement venir vous rencontrer et puis proposer ses services et participer au club? Nous avons une page Facebook où on peut venir soit venir me parler en privé pour demander tout ce qui est renseignement. Et moi, dans ces cas-là, je donne mon numéro de téléphone où je leur dis de venir à tel entraînement, jour et horaire d'entraînement par rapport à l'âge de l'enfant ou de l'adulte. Que nous prenons 2 enfants d'entre 6 jusqu'à senior loisir mixte. À partir de 6 ans, donc on peut faire du basket. Et même si on est adulte, est-ce qu'il faut déjà avoir une expérience si on est adulte? Non, pas forcément. Que là, cette année, nous allons faire, dès le 1er novembre, un championnat 3-3 compétitif, forcément, mais restant loisir, mixte ou pas mixte, ça dépend. S'il y a une équipe de 3-4 filles qui veulent venir, ils peuvent faire une équipe de 3-4 filles. C'est une nouveauté du comité 54 qui propose de faire un championnat 3-3 pour éviter toute perte de joueurs. La compétition a aussi sa place, donc vous avez une équipe plus orientée compétition? Voilà, donc cette année on a une équipe Benjamin de U13, on a une équipe minime U15 compétition aussi, et une équipe U17 compétition aussi. Et pour entraîner tout ce beau monde, qui est là? Nous avons, en encadrant Benjamin, nous avons Christophe, un ancien joueur qui joue encore en senior. Nous avons en minime mon père, Michel Bush, qui a repris cette année une équipe. D'accord. Et nous avons Pascal Roussel en cadet U17. Alors les entraînements, où est-ce que ça se passe à Lunéville? Alors ça se passe rue Sainte-Anne au gymnase Alain Mimoun. D'accord, et ça se passe quand dans la semaine? Alors nous avons le mardi de 17h30 à 19h30 la section U15 minime, suivie de 19h30 à 21h30 loisirs, senior loisirs mixte. Le mercredi après-midi de 16h30 à 18h nous avons école de basket dès l'âge de 6 ans. Nous avons les mini poussins 8-9 ans et nous avons les poussins jusqu'à 11 ans. Suivi de 17h30 à 19h, section Benjamin U13. Et les cadets qui reprendront derrière de 19h à 20h30 et de 20h30 à 22h, section loisirs, où c'est hors compétition. C'est ceux qui veulent venir s'amuser, transpirer un peu. Et le jeudi, nous avons aussi la section loisirs pour le championnat 3-3 de 19h30 à 21h30. Voilà, donc au gymnase Alain Mimoun à Lunéville. Bien sûr, alors évidemment, il y a beaucoup d'informations à noter, mais on retrouve tout ça sur la page Facebook et sur votre site internet. Groupe Facebook aussi. Oui. Et la page Facebook du club. On le rappelle, le club recrute toute l'année, donc voilà. Que ce soit maintenant ou dans 6 mois, on peut toujours on vous peut, rejoindre. Voilà. Hein. Aussi de ce qui se vit autour du club, c'est une grande famille. Voilà. Il y a d'autres choses qui se vivent dans la saison. Nous organisons tout ce qui est Halloween, la Saint-Nicolas, Noël, les Pâques, le carnaval, et on va faire prochainement un loto. Un loto, donc ça se passera quand ça? Normalement, ça sera le 24 mars, autour du 24 mars. Donc je vous invite à vous rendre sur la page Facebook du club de basket de Lunéville et sur leur site internet. Alexandre Bush, pour donner encore envie aux gens qui pourraient nous écouter, qui n'oseraient pas sauter le pas, qu'est-ce que vous pourriez leur dire, qui ne sont pas forcément sportifs, qu'est-ce que vous leur diriez pour leur donner envie de venir vous rencontrer et pourquoi pas participer au club? tout simplement, qui viennent essayer. Nous sommes un club familial et convivial. On est là pour s'amuser tout en restant compétitif. Mais le plaisir est de venir jouer et de se prendre la tête et de tout simplement partager notre passion. Quel basket ! Alexandre Bush, merci. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.